الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on est à la partie 24 dans la lecture des fatwas de Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fi al-Mashakil al-Mulimma. Et on est toujours dans la section où le Cheikh réfute les individus qui prônent les attentats terroristes et les attentats suicides. Donc on voit que le Cheikh il répond aux questions qui ont été posées à ce sujet-là, puis il clarifie la position de l'islam vis-à-vis de ces actions-là. Et c'est important d'en parler parce que souvent il y a des gens qui évitent de mentionner ces choses-là ou de parler de ces choses-là, mais il y a des gens qui profitent justement du silence des musulmans, de certains musulmans par rapport à ça, pour essayer de prétendre que c'est correct ou que c'est accepté. Et il y a beaucoup que le silence signifie l'approbation, et ça c'est pas vrai, hein, parce que les ulama ont parlé de ces choses-là et ils ont clarifié que ces actions-là sont interdites en islam et qu'elles sont opposées aux enseignements de l'islam. Donc le cheikh, on lui a posé la question: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي جزاكم الله خيرا. Donc ils ont posé la question au cheikh: est-ce que le fait de faire des actes terroristes et des attentats et des explosions, de faire exploser les bâtiments des gouvernementaux dans les pays non musulmans, est-ce que c'est une nécessité, et est-ce que ça fait partie de est-ce que ça c'est un travail qui est relié au djihad, est-ce que c'est quelque chose qui est relié avec la lutte dans le sentier d'Allah, que Allah vous récompense. Et le cheikh il répond: الجواب الاغتيالات والتخريب أمر لا يجوز لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا وهذا أمر لا يجوز إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا والرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار لأنه ليس عندهم استطاعة لقتال الكفار ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم ولا استأصلوهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم فالاغتيال في بلاد الكفار يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون وهذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله وهذا يجر على المسلمين شرا. Donc le cheikh il répond, il dit que les attentats et le fait de faire de la destruction, ça c'est des choses qui n'ont pas été permis par l'islam, c'est pas permis dans la charia, parce que ça ramène contre les musulmans du mal et ça ramène les musulmans à se faire tuer et à se faire expulser sur la terre, et ça c'est une chose qui n'est pas permise. Qu'est-ce qui est permis contre les koufars, hein, c'est uniquement le djihad dans le sentier d'Allah et de les affronter dans les batailles, dans les batailles, c'est-à-dire dans la guerre, lorsqu'il y a une guerre et que les musulmans ont la capacité, c'est-à-dire que le dirigeant des musulmans va préparer ou va organiser une armée et il va combattre dans ce moment-là contre les koufars, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à son époque, c'est-à-dire une armée avec un dirigeant, et c'est lui qui organise cette armée-là. Et comme dans les qu'est-ce qui se passe dans les différents pays, que ce soit dans les pays musulmans ou les pays non musulmans, chaque pays a son armée, et c'est ça en fait qui se passe. Et quand il y a des ententes de paix entre les pays, soit des fois il y a des guerres entre les pays, et ces choses-là sont régies selon les règles de la charia de l'islam, et c'est les dirigeants qui prennent ces décisions-là. Donc ça c'est par rapport à qu'est-ce qui est permis, c'est cette catégorie-là de djihad. Toutefois, qu'est-ce que les autres font comme attentats terroristes, comme destruction, ça, ça ramène plus de mal contre les musulmans. Et le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant d'avoir fait la hijra, c'est-à-dire avant d'avoir fait l'égir quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné aux musulmans de s'abstenir et de retenir leurs mains, c'est-à-dire de ne pas combattre. Et que même si on les attaquait parfois, de ne pas riposter parfois. Dans certains cas, pourquoi? Parce que ça ramène plus de mal contre les musulmans que de bien. Et étant donné que les musulmans étaient dans une situation de faiblesse, si à ce moment-là ils attaquaient ou ils faisaient une offensive, ils risquaient de se faire exterminer jusqu'au dernier. Et il mentionne le verset 77 dans Sourate An-Nisa à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: n'as-tu pas vu ceux à qui on a dit de s'abstenir et de retenir leurs mains et d'établir la salat et de donner la zakat? C'est-à-dire qu'ils avaient été ordonnés de retenir leurs mains, c'est-à-dire par rapport au combat contre les koufars, de ne pas combattre à ce moment-là. Comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils n'avaient pas la capacité militaire, ni la force, ni le nombre nécessaire pour être capable de les affronter. Et si jamais ils les avaient attaqués ou affrontés, ils auraient été exterminés jusqu'au dernier et les koufars les auraient éliminés. Et étant donné donc qu'ils étaient en même temps chez eux et parmi eux, sous leur tutelle, donc ils n'avaient pas le choix donc de s'abstenir, de combattre et de retenir leurs mains. Mais le cheikh dit ensuite, donc de faire des attentats dans les pays des koufars, ça ramène à la fin à ce que les musulmans se fassent tuer. Les musulmans qui sont présents dans ces pays-là, on voit que eux, d'un côté, ils peuvent se faire tuer, et également par la suite, comme on a vu qu'est-ce qui s'est passé par rapport à d'autres pays musulmans par la suite, où les koufars ont envoyé des armées suite aux attentats, on a vu que ça a créé beaucoup de destruction, beaucoup de désordre dans ces différents pays-là. Et le cheikh, il dit donc, ça, vous en êtes tous témoins et vous entendez tous parler de ces choses-là, et donc ça ne fait pas partie de ce qui est relié à la da'wah, et ce n'est pas non plus quelque chose qui a rapport avec le djihad, fi sabilillah, de faire ces sortes d'attentats-là. Et ça ramène plus de mal contre les musulmans. Ensuite, le cheikh, il dit, « Hal al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa al-Sahaba yawma kanu fi Makkah yaqtulun al-Kuffar abadan, bal kanu manhiyina an thalik. Hal kanu yukhribuna amwal al-Kuffar wa hum fi Makkah abadan, kanu manhiyina an thalik. Fal-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ma'murun bi da'wati wal-bala faqat wa huwa fi Makkah. أما القتال إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. Donc le cheikh, il dit, est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba, les compagnons, lorsqu'ils étaient à Mecca, est-ce qu'ils combattaient les kuffars? Est-ce qu'ils tuaient les kuffars? Non, jamais. Ils étaient interdits de faire ce genre de choses. Et est-ce qu'ils détruisaient les biens des kuffars lorsqu'ils étaient à Mecca? Jamais, ils n'ont jamais fait une chose pareille. Ils étaient interdits de faire une chose pareille. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était uniquement ordonné de transmettre le message et d'inviter les gens à la foi et à l'islam lorsqu'il était à Mecca. En ce qui concerne le combat, ça c'était uniquement par la suite à Médine, lorsque les musulmans ont acquis un pays, si tu veux, un état à Médine. Et le cheikh en bas, il dit, « Wa qawlu al-shaykh lamma sara lil-islam dawla, ay dawla qawiyya fi imaniha billah, wa fi iddatiha min al-aslihati tastati'u mujabahat al-a'da wa khawdu al-ma'arik ma'ahum, wa qad taqaddama qawluhum. » Donc le cheikh, il explique ensuite que dans la note de bas de page, il y a une note ici, il dit que lorsque le cheikh dit que à Médine, les musulmans ont eu un pays ou un état, c'est-à-dire pas juste d'avoir un pays, parce que aujourd'hui les musulmans ont plusieurs pays ou nombreux pays qui sont des pays musulmans. Toutefois, le cheikh, il dit un pays qui est fort, c'est-à-dire un pays qui possède la force, c'est-à-dire force spirituelle, c'est-à-dire dans sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est fort par sa foi en Allah et il est fort également dans le sens qu'il possède des armes qui les permettent d'affronter les ennemis et de faire des combats ou des batailles, comme on l'a expliqué. Donc ça, c'est pas le cas actuellement, par exemple, dans la plupart des pays musulmans, puisque les pays musulmans actuellement sont faibles et ils n'ont pas malheureusement la force militaire nécessaire pour justement permettre encore de faire le djihad actuellement. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce que le cheikh a répondu par rapport à ça. Ensuite, il dit as-su'al, ma hukm man yaqum bi qatl al-abriya wa tafjir al-munsha'at min ajli tarhib al-kuffar wa takhwifihim wa al-intiqam lima yahduthu lil-muslimin min sharr bi sababihim. Al-jawab, tadmir mumtalakat al-kuffar وهدم حصونهم وقتل الصبيان والصغار تبعا لهم هذا إنما هو في الجهاد ليس كل واحد من الأفراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمر هذا لا يجوز هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة ما له نتيجة إلا الشر على المسلمين ففيه فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وبراية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين فيه فرق بين هذا وهذا فلا يخلط بين حق وباطل. Donc le cheikh, on lui a posé la question, quel est le verdict au sujet de ceux qui tuent les innocents et qui détruisent les constructions dans le but de faire peur aux kuffars et de les effrayer, de les terroriser, et dans le but de se venger de ce qui se passe de ce qui se fait contre les musulmans, il y en a comme mal à cause d'eux. Le cheikh, il répond, il dit de la destruction des biens des kuffars et de détruire leurs murailles, leurs forteresses ou des choses de ce genre. Par exemple, quand il y a des koufas qui étaient cachés derrière des forteresses, à l'époque, quand il y avait des guerres, ils détruisaient les forteresses et les murailles. Et ils lançaient, bien entendu, avec les catapultes, des trucs pour briser les forteresses. Puis parfois, comme conséquence de ça, il y avait peut-être des petits ou des enfants qui étaient blessés à ce moment-là, mais sans que ce soit intentionnel, sans que ce soit voulu. Donc le cheikh, il dit que ça, c'est dans les questions lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a le djihad, des choses de ce genre. C'est pas entre des individus qui partent et qui décident d'aller tuer qui ils veulent, sans que ce soit fait avec l'ordre du dirigeant musulman. Ça, c'est pas permis. Donc ça veut dire que quelqu'un parmi les musulmans peut pas décider aujourd'hui de dire bon, moi je vais partir, je vais aller attaquer des koufars, des non-musulmans, puis je vais commencer à faire sauter telle ou telle affaire, tel endroit, faire de la destruction ou tuer des innocents. Ça, c'est pas permis pour un musulman de faire des choses pareilles. Et il y en a qui le font soit individuellement ou soit avec des groupes organisés. C'est-à-dire des groupes de personnes qui s'organisent entre eux pour décider de faire ce genre de choses-là. Et ça, vous allez rarement entendre des gens qui mentionnent ces choses-là publiquement. La majeure partie du temps, vous allez entendre des gens, vous n'allez pas entendre parler des gens de ces choses-là en public ou ouvertement. Parce que, bien entendu, ils savent que c'est des choses qui sont criminelles, puis que c'est des choses qui sont interdites, qui sont condamnés par l'islam et par les musulmans en général et par les koufars également. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler de ces sujets-là, mais en cercle fermé, en cercle privé. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en garde et d'avertir les musulmans et les non-musulmans par rapport à ces choses-là, parce que justement, même si on pense que on n'en entend pas parler, il y en a des gens qui ont ces idées-là et qui propagent ces idées-là dans des cercles fermés, puis dans des mosquées, puis dans d'autres endroits aussi, dans des centres. Et qu'est-ce qu'ils font parfois, comment ils procèdent, c'est qu'ils vont dans les mosquées, puis ils essaient de cibler certaines personnes qu'ils pensent être des personnes susceptibles d'accepter ces idées-là. Puis il les approche, puis il commence à les inviter subtilement à ces idées-là. Pas directement, mais petit à petit. Puis après, ils les font rentrer avec eux. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'être averti de ça, puis de mettre en garde contre ces choses-là. Parce qu'ils ont toutes sortes d'arguments et de shubuhat, comme on dit, pour essayer de convaincre les gens, et souvent ils passent par les émotions. C'est-à-dire, ils vont mentionner, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman, comment les musulmans se font humilier ou tuer ou torturer, ou comment on viole des femmes, des choses de ce genre. Puis ils essaient de faire monter, en fait, l'émotivité des personnes pour essayer de les par la suite de les aveugler d'une certaine façon. Quand ils sont très très pompés, ça y est, par la suite ils leur glissent petit à petit de ces idées là puis après ils les font rentrer dans leur groupe ou dans leur organisation ou dans leurs idéologies. Et non, souvent c'est eux qui ne vont jamais. C'est-à-dire, ils appellent les gens à aller le faire, et puis après, ils restent. Donc ça, c'est des exemples. Et donc, le cheikh, il dit, ces gens-là qui font ce genre de choses-là, ils ne font que faire du tort et de la destruction. Donc ça, c'est pas des choses que c'est des individus qui le font, c'est des choses qui sont uniquement, c'est des choses qui sont uniquement faites dans le djihad officiel, lorsqu'il est déclaré officiellement par un dirigeant officiel dans un pays musulman avec une armée, et il n'est pas permis de le faire à des groupes ou à des individus qui se déclarent eux-mêmes comme représentants de l'islam ou des musulmans et qui n'ont aucune autorité réelle. Et donc, de faire ce genre de choses-là, c'est pas permis. Hein, dans ce cas-là. Et le cheikh, il dit, ça ramène plus de mal contre les musulmans et ça n'amène aucun résultat, excepté du mal contre les musulmans. Donc il y a une distinction entre qu'est-ce que ces gens-là font comme destruction, comme attentat, et le djihad fi sabilillah qui est fait avec la dirigeance d'un dirigeant et qui est fait derrière une bannière parmi les bannières des musulmans, et qui est fait également avec une armée d'entre les armées des musulmans. Donc il faut distinguer entre ça et ça. Et les deux, c'est pas du tout la même chose, et il faut pas donc mélanger entre la vérité et le faux. C'est ça. Non, mais comme vous dites, c'est difficile de les contrôler, mais c'est pas impossible. Et si tous les musulmans travaillent ensemble dans le but de stopper ces gens-là, dans le sens que si ils ont des informations sur eux, ou si ils savent des choses à leur sujet, ou si ils entendent parler de ces gens-là, de faire en sorte de les rapporter ou de les dénoncer, ou de faire en sorte que ces gens-là, on sache que ces gens-là propagent ces idées-là ou ces choses-là, ces tendances-là. Puis exact. Donc, il y a ce moyen-là. Puis il y a aussi, de toute façon, alhamdulillah, comme le cheikh, il y a une mention de ça à ce sujet-là par la suite, du fait que il y en a, par contre, parmi les musulmans, ils pensent que de pas dénoncer ces gens-là qui disent ces choses-là ou qui pensent ces choses-là, que c'est quelque chose qui est islamique. C'est-à-dire, quand ils pensent que ces gens-là, ils pensent qu'il faut les couvrir, il faut pas les dénoncer, il faut pas parler contre eux ou dire ce qu'ils font qui est pas correct. Et le cheikh a mentionné des exemples du fait que, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il allait espionner des gens qui avaient des idées qui étaient comme ça, qui étaient contraires à l'islam, qui étaient dangereuses, mais qui n'étaient pas montrées en public. Et parfois donc il pouvait envoyer par exemple des sahaba pour aller écouter ou voir qu'est-ce que certaines personnes allaient raconter qui étaient contraires à l'islam. Et les ulama dans les livres de fiqh, ils ont parlé justement de ces catégories-là, qui vont pour justement essayer de démasquer. Et dans chaque pays musulman, il y a des services donc de renseignement qui sont chargés justement d'espionner ces individus pour essayer de les démasquer puis de les arrêter. Hein? Donc, pour essayer de découvrir, justement, étant donné que ces gens-là font ces da'wa, cette da'wa, ils la font en secret. Donc, c'est important, justement, que les musulmans, donc ces pays musulmans comme en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays musulmans, ils sont des agents qui sont undercover, comme on dit, hein, et qui rentrent dans ces groupes-là parfois pour essayer de les démasquer, ramasser des preuves contre eux, puis par la suite les arrêter. Ok. Et donc ça fait partie des méthodes et des moyens qui sont permis dans l'islam pour arriver à arrêter les gens qui propagent des idéologies de bid'ah ou de kufr ou des tendances de destruction et de, d'égarement comme ces mouvements d'égarement là. Ça c'est important. Et donc comme le cheikh il dit, ça ramène toutes sortes de mal contre l'islam et contre les musulmans. Et les ulama, ils ont des fatwas justement à ces sujets là comme cette fatwa qu'on lit et les autres et beaucoup d'autres également. Donc on va en lire une ou deux encore, mais juste pour finir ici, donc il faut distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans le djihad. Et malheureusement, beaucoup de jeunes fréquentent des différents sites internet où il y a la propagation de ces idéologies des takfiris, des djihadis et tout. Puis il y a peu de d'écrits en français parce que beaucoup d'entre ces jeunes-là, parfois c'est des gens qui ne parlent pas l'arabe, qui ne lisent pas l'arabe, mais il y a peu de sites ou de livres qui ont été écrits en islam sur l'islam en français, traduits en français sur la réalité du djihad dans l'islam, puis sur la distinction entre qu'est-ce que ces gens-là font et le réel djihad dans l'islam. Et depuis l'attentat du 11 septembre et depuis le terrorisme qui a commencé à se propager dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, il y a eu de la part des savants de l'islam maintenant et de la part des toulab al-ilm, des étudiants en islam, beaucoup de livres qui ont été écrits pour réfuter l'extrémisme et l'exagération et l'égarement de ces groupes-là. Puis ces livres-là sont en arabe souvent, il n'y en a pas beaucoup qui ont été traduits en français encore. Et il y a des gens qui disaient, par exemple, parmi certains, il y a des individus qui ne sont pas nécessairement des savants, ou juste des journalistes parfois, qui disaient, il ne faut pas parler de ce sujet-là, il ne faut pas parler de djihad, parce qu'ils disaient que ça faisait comme une sorte de encourager les jeunes à faire ce genre d'activité là. Toutefois, le cheikh Al-Fawzan, il a répondu à cette parole et il a dit, au contraire, c'est le fait de ne pas en parler qui fait en sorte que ces idéologies là continuent à se propager, et le fait qu'on explique aux musulmans les règles du djihad et qu'on leur clarifie le djihad, qu'est-ce que c'est en islam, c'est le fait d'en parler, de le clarifier, qui va faire en sorte que ces groupes extrémistes-là vont arrêter. Ils vont être obligés de s'arrêter parce qu'ils ne vont pas pouvoir tromper les gens à ce sujet-là. Parce que les jeunes musulmans maintenant, quand ils entendent parler de djihad, c'est toujours de la part de ces individus-là. Et il n'y a pas quelqu'un qui est sur la sunna, qui est sur la voie des salafs, qui va leur clarifier qu'est-ce que c'est réellement le djihad et qu'est-ce que ça signifie réellement. Donc c'est pour ça que eux, étant donné qu'ils trouvent un vide par rapport à cette question-là, ils s'en vont vers les égarés ou les extrémistes qui en parlent, pensant que ces gens-là sont vraiment des gens qui défendent la réalité, alors qu'en réalité ils sont en train de contredire et d'opposer les enseignements de l'islam dans la réalité de ce que l'islam enseigne sur ces questions-là. Non, en fait, souvent c'est des questions qui sont enseignées durant les cours de fiqh dans les mosquées par les savants et également dans les livres de fiqh. Donc, mais dans les prêches du vendredi, il y a des prêches du vendredi qui ont été faites. Il y a des prêches de vendredi qui ont été faites sur la dénonciation des actions des terroristes et des choses de ce genre, mais c'est des sujets qui sont assez qui demandent d'être traités en profondeur, et c'est pas la place d'une prêche de vendredi de rentrer trop dans les détails des questions, puisque la prêche du vendredi c'est uniquement faite pour être un rappel et non pas pour être une étude ou un enseignement détaillé. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans Zad al-Ma'ad, il a divisé les catégories de djihad en 13 14 différentes catégories de djihad. Et 4 grosses catégories, puis après, wa alaykoum salam wa rahmatullah, puis après, il y a des subdivisions de chacune de ces catégories-là. Donc, ça revient à environ 14 divisions, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes de clarifier, d'expliquer. Et peut-être, bon, pour l'instant, c'est pas possible pour le moment de parler de ça ou de faire des cours sur ça pour tout de suite. Mais aussitôt qu'on aura la possibilité, parce qu'il y a d'autres sujets à traiter avant de traiter de ce sujet-là, qui sont plus importants actuellement par rapport à nous en tant qu'individus musulmans, mais de répondre à ces choubouhat-là de façon générale en mentionnant les fatwas des savants, ça déjà ça comble un vide, puis on espère que par la suite, Inch'Allah, disons, peut-être plus tard faire un cours peut-être sur les détails de cette question-là pour vraiment expliquer la réalité de ça. Ah oui, parce que j'ai justement un livre à la maison qui est très intéressant, qui rentre dans, vraiment qui explique bien en détail cette question-là, puis j'ai vraiment envie de faire un cours là-dessus, mais ça se pourrait que, je sais pas, peut-être soit je vais le faire sur Internet, ou bien soit je vais le faire, on verra, Inch'Allah. Ou bien soit je vais le traduire juste sous forme de livre écrit que les gens pourront télécharger puis lire par la suite pour avoir plus de compréhension sur ça. Ensuite, il y a une autre question, puis on va lire celle-là, puis après on va commencer le cours. La question a été posée au cheikh. As-su'al, afta man afta bi jawazi qatl al-amerikan fi jami'i buldan al-alam wa qala innahum harbiyoun, fama qawlu fadilatikum fi hadha. الجواب هذا المفتي جاهل لأن هذا فيه التفصيل فالذين تعاهدنا وإياهم ودخلوا في بلادنا بالعهد أو بالأمان أو استقدمناهم بأعمال يقيمون بها نحن بحاجة إليها هؤلاء هم تحت عهدنا وذمتنا ولا يجوز أن نغدر بهم ولا أن نقتلهم فالدول التي بيننا وبينهم عهد وتمثيل دبلوماسي لا يجوز الغدر بهم والكفار الذين دخلوا بلادنا بإذننا لا يجوز الغدر بهم قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فلا يجوز الغدر بالذين دخلوا في بلاد المسلمين بإذن ولي أمر المسلمين أو المسلمون استقدموهم فلا يجوز مثل هذا الكلام إنما الحربي الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان هذا هو الحربي. Donc le cheikh il a répondu à cette question. La question c'est quoi? C'est qu'il y a un individu qui a fait une fatwa et qui a, premièrement la fatwa on a expliqué plusieurs fois mais pour répéter parce que les médias parfois ils mentionnent des trucs sur la question de la fatwa. Quand ils disent le mot fatwa, les gens pensent que c'est un appel au meurtre ou bien que c'est pour appeler à tuer quelqu'un alors que ça n'a rien à voir avec ça. Le mot fatwa ou le terme fatwa dans l'islam, quand on l'utilise, c'est dans le but d'expliquer ou de clarifier un verdict religieux dans l'islam. Donc, sur n'importe quel sujet, n'importe quelle question. Comme si quelqu'un te demande, est-ce que, avant de prier, tu dois être en état de pureté? Ça, c'est, quelqu'un te demande une fatwa. Toi, tu réponds à cette question-là, tu dis, oui, avant de prier, il faut être en état de pureté, hein. Donc, il faut être en état de pureté, et il faut enlever les impuretés majeures et mineures, ainsi de suite. Et on explique ces choses-là. Ça, c'est une fatwa. D'accord. Si on demande, est-ce qu'un homme, durant le ramadan, il doit jeûner? Et tu dis, oui, c'est obligatoire de jeûner. Dans ce cas-là, ça c'est une fatwa. Ça, tu expliques le verdict, puis tu peux mentionner les preuves et ainsi de suite. Donc ça c'est une fatwa. Et donc, dans ces questions-là, par exemple, qui ont rapport avec le djihad ou autre, ça aussi c'est des fatwas, mais c'est pas seulement quand c'est ces sujets-là que c'est une fatwa, contrairement à ce que... certains prétendent. Puis aussi, il y a une chose importante à comprendre aussi, c'est qu'une fatwa, c'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire, une fatwa peut être fausse, peut être incorrecte. C'est-à-dire qu'un savant, quand il donne sa fatwa, il peut se tromper. Hein? Donc c'est pas parce que le moufti ou le savant qui a donné un verdict religieux ou une réponse à une question religieuse a dit telle ou telle chose, ça ne veut pas dire que ce qu'il a répondu dans cette fatwa-là, c'est vrai. Ça, c'est pour ça que les savants, c'est par exemple, quelqu'un a fait une fatwa, il a dit quelque chose selon l'islam, puis que il s'est trompé. En général, un autre savant va lui répondre. Il va clarifier qu'il s'est trompé dans cette fatwa-là. Hein? Et puis, on doit demander également, on a le droit de demander au savant qui a fait la fatwa quelles sont ses références, quelles sont ses preuves dans cette fatwa-là. Et si ses références et ses preuves sont incorrectes, ou qu'il n'a pas respecté certains principes, alors dans ce cas-là, cette fatwa-là ne va pas être valable et ne va pas être acceptée. Donc ça, c'est un point important par rapport à la fatwa, que les médias, bon, en principe, c'est pas des musulmans, donc on peut comprendre le fait qu'ils sont ignorants à ce sujet-là, mais le fait qu'ils propagent l'ignorance, puis qu'ils créent de la désinformation, justement, en confondant les gens, en les mélangeant, en utilisant des termes qu'ils ne comprennent même pas correctement. Donc, ils ont posé la question à quelqu'un au sujet de est-ce que c'est permis de tuer les... Parce qu'il y en a un qui a donné une fatwa, un individu qui a donné une fatwa, qui dit que c'est permis de tuer les Américains partout dans le monde. Il dit que ce sont des gens qui sont des harbiyoun. Harbiyoun, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui sont en guerre contre les musulmans. Et quelle est votre parole, ou qu'est-ce que vous dites, votre position par rapport à cette fatwa-là? Donc, on voit un exemple ici de quelqu'un qui a fait une fatwa. On n'a pas nommé le nom de cette personne-là, mais on a dit à quelqu'un qui a fait une fatwa qui dit qu'il faut tuer tous les Américains dans le monde. C'est quoi la réponse? Cheikh Al-Fawzan, il répond, il dit, ce mufti, c'est-à-dire cette personne-là qui a donné cette fatwa-là, c'est un jahil, c'est-à-dire c'est un ignorant, il ne connaît rien. Hein? Parce que quelqu'un qui connaît l'islam, il ne va pas donner une fatwa pareille, il ne va pas faire une fatwa comme ça. Donc le cheikh, il répond et il explique pourquoi cette fatwa, elle n'est pas correcte. Et pourquoi il est ignorant, cet individu-là. Il dit parce que dans ces questions-là, il faut détailler, il y a des détails sur cette question-là. Premièrement, si il y a des non-musulmans avec qui nous avons des ententes. Nous avons des ententes et des pactes. Et ceux qui sont rentrés dans notre pays et qui sont rentrés avec un visa, avec une entente, avec en sécurité, on les a fait venir pour qu'ils travaillent pour nous, pour qu'ils fassent un travail pour nous. Et nous, on a besoin d'eux. Donc, ceux-là sont sous notre entente, sous notre protection. Et il n'est pas permis à quiconque d'entre nous de les trahir et de les tuer ou des choses de ce genre. Donc, s'il y a des pays dans le monde entre nous et ces pays-là, il y a une entente de paix et des pactes, des trêves et des contrats, des ententes entre nous, et qu'il y a un représentant diplomatique de ces pays-là dans notre pays, alors il n'est pas permis pour nous de les trahir, de trahir ces pays-là et ces individus-là. Donc, le cheikh explique ça, c'est un point que beaucoup de jeunes d'entre les musulmans aujourd'hui ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est une question comme si, ça y est, on n'aime pas tel ou tel pays, on n'aime pas tel ou tel individu, ça y est, c'est correct, on peut agir avec eux comme on veut. Non, il y a des ententes gouvernementales entre les États, entre les chefs d'État, et il y a des trêves, il y a des pactes, et donc il faut respecter ces ententes-là. Donc le cheikh, il dit, ensuite, il dit, et les koufars qui sont rentrés dans notre pays, avec notre permission, il n'est pas permis pour nous de les trahir. Hein? Et il mentionne un verset 6 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si un d'entre les mushrikin te demande la protection, hein, alors protège-le et garde-le jusqu'à ce qu'il... C'est-à-dire, il demande que tu le protèges, que tu ne vas pas l'attaquer ou lui faire du mal, tu dois le laisser, hein, et tu le protèges jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis tu le ramènes à l'endroit où il va être en sécurité, là où il veut aller. Donc, il n'est pas permis pour nous de trahir ceux qui sont rentrés dans les pays musulmans avec la permission du dirigeant ou du chef de l'État, hein, des musulmans, ou des non-musulmans qui sont rentrés dans les pays musulmans et qu'on les a fait venir, hein, pour qu'ils travaillent ou des choses de ce genre, ça c'est pas permis. Et c'est le harbi c'est qui? C'est le non-musulman. Entre nous et eux, il n'y a pas d'entente de paix. C'est ça le harbi. Le harbi, c'est le mécréant qui est en guerre, c'est-à-dire entre son pays, son état et notre état, il y a une déclaration ouverte et officielle de guerre. C'est ça le harbi. Ok? S'il y a une entente de paix, une pacte entre nous et son pays, entre son pays et le pays des, et leur pays, dans ce cas-là, s'il y a une entente de paix, il n'est pas un harbi. Hein? Il est sous l'entente et le pacte. Hein? Al-Musta'man. Ou bien Al-Mu'ahad. Al-Musta'man, celui qui est sur l'aman, qui est sous la protection ou l'entente. Et Al-Mu'ahad, c'est celui qui, entre nous et eux, il y a un ahd, il y a une entente, il y a un pacte. Mu'ahad. Mu'ahad, l'ahd. Musta'man. Oui, le premier, c'est le Musta'man, celui qui est sous Al-Aman. Musta'man. Musta'man. Et l'autre, c'est Al-Mu'ahad. Donc, c'est les kuffars, quand on dit les kuffars, ne sont pas tous dans la même catégorie. Il y en a qui ne distinguent pas entre les catégories. Il y a Al-Musta'man, il y a Al-Mu'ahad, il y a Al-Zimmi, et il y a Al-Harbi. C'est des différentes catégories, et ça, ça a rapport avec les ententes internationales entre les États, c'est pas au niveau des individus. Ok? Ça, c'est important de le comprendre. Et il y a un cheikh qui s'appelle Cheikh Mohamed Bazmoul, il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Alaqat al-Dawliya, yani fi l'Islam. Et ça, c'est un livre très important, très intéressant. C'est-à-dire les relations internationales dans l'Islam. Et il parle de tous ces sujets-là. Et vraiment, c'est très très intéressant. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici dans la lecture des fatwas, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.